La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. La Compagnie des auteurs, épisode 2 dans notre semaine consacrée à deux grandes séries télévisées qui ont ouvert l'âge d'or de ce que ce genre connaît actuellement. Nous parlons aujourd'hui des Sopranos dans une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Lauren Travaglichanal et Jacques Hubert. Le succès de la forme sérielle dans la fiction télévisée ne se dément pas et va même en s'approfondissant, peut-être en partie car elle accompagne le spectateur sur une longue durée, dans une temporalité qui se rapproche de celle de la vie, ce qui procure cet étrange sentiment d'intégrer l'espace d'un moment un nouveau groupe de relations, voire même une nouvelle famille qu'on adore aimer ou détester. C'est le cas avec les Sopranos et Six Feet Under dont nous parlons ici jusqu'à jeudi. Alors ce thème de la temporalité dans les séries et en particulier dans Six Feet Under, nous l'aborderons jeudi en deuxième partie d'une émission consacrée d'abord à la thématique du rêve dans ces fictions sérielles. La veille, mercredi, nous aurons analysé plus largement les grands thèmes de Six Feet Under avec l'écrivain et philosophe Tristan Garcia. Enfin, hier, c'est des Sopranos que nous avons parlé lors d'une émission introductive avec Florent Loulando. Et aujourd'hui ? At first, it felt like ginger ale in my skull. Mom, Daddy just fell. Mom, Dad, Tony, oh my God. Tony, Dad, get back. Mom, Dad, Daddy, Dad, Tony Jr., call 911. Aujourd'hui, alors que l'on vient d'entendre le tout début du premier épisode des Sopranos, dont nous allons donc continuer de parler aujourd'hui, nous sommes en duplex de Caen où les intempéries vous ont retenu. Emmanuel Burdeau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci également aux équipes techniques de France Bleu Basse-Normandie et à Bruno Lutz d'avoir organisé cette liaison au pied levé. Alors Emmanuel Burdeau, vous êtes critique de cinéma, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, membre de la rédaction de Mediapart et collaborateur à différentes revues dont Trafic aux éditions POL. Vous avez par ailleurs signé l'essai Comédie américaine année 2000 aux éditions Les Prairies Ordinaires ainsi que l'essai intitulé La Passion de Tony Soprano, cette fois aux éditions Capricci, c'était en 2010. Et c'est un livre qui s'ouvre avec un écran noir, Emmanuel Burdeau, l'écran noir qui clôt le dernier épisode de la dernière saison. C'était une fin plutôt radicale, une fin qui a marqué les esprits. Oui, oui, c'est pas la seule. Hein. Et puis je pense que d'une certaine façon, ce qu'on comprend avec une fin comme celle-là, c'est qu'il n'y a peut-être pas de bonne manière de finir une série, puisque une série est au moins en droit interminable. Si elle se présente pas comme potentiellement interminable, peut-être elle perd un peu d'intérêt pour ses admirateurs. Bon, on peut en parler tranquillement, parce que ça fait presque 10 ans maintenant. C'était le 10 juin 2007, cet écran noir. Ah ben, ça fait 11 ans quasiment jour pour jour. Et... Tony Soprano, je crois, a rendez-vous avec les différents membres de sa famille dans un restaurant diner pas très loin de chez lui, chez Alston's, si mes souvenirs sont bons. Et puis, tandis qu'il attend, je crois qu'il n'attend plus que sa fille, il y a un peu d'agitation. Il a du mal à se garer. Elle a du mal à se garer, en effet. Et au moment où elle finit par se garer, Meadow, et s'apprête à traverser la rue, Tony, on entend la petite sonnerie, la petite clochette de la porte. Il relève la tête. Et à ce moment-là, l'image se coupe et fait suite, non pas d'ailleurs, même pas un fondu enchaîné, mais carrément à un écran noir qui dure une dizaine de secondes à peu près avant que le générique ne débute avec les crédits du générique. Et la légende veut que David Chase, dont vous avez déjà bien et beaucoup parlé hier, aurait souhaité que cet écran noir dure jusqu'à la fin du générique, sans le défilement d'aucun nom, et jusque cette espèce de son caractéristique qui avec le logo HBO. Bon, évidemment, il était en position à ce moment-là d'obtenir un certain nombre de choses, mais quand même pas ça. Et ces 10 secondes, c'est par là aussi que le livre commence, ont été suffisamment inattendues et surprenantes pour que, là encore, c'est ce que rapporte la légende, un nombre assez important de téléspectateurs, ils étaient, je crois, ce soir-là 12 ou 13 millions, ce qui est énorme pour une chaîne comme HBO, croient à une panne, soit dans leur quartier, soit une panne de transmission, et fassent exploser le standard, et sortent de chez eux, et soient un peu en panique en se disant que, mince, qu'est-ce qui s'est passé? On a échappé à ce qui était les dernières secondes de Tony Soprano. Mmh. L'interrogation qui est liée à cette fin, évidemment, concerne le fait de savoir si, au moment où Tony relève la tête, est-ce bien sa fille qui voit entrer ou quelqu'un venu le tuer. Oui. En tous les cas, on peut imaginer aussi que Tony Soprano va tout simplement continuer sa route avec sa famille, et alors qu'on s'attendait finalement à une fin fermée où on le verrait soit vaincre, soit mourir. Est-ce que ça signifie quelque chose sur l'ensemble de cette série, Emmanuel Burdeau, et sur ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu faire son créateur? À mon avis, oui, dans le sens où... Et je pense qu'on va en reparler, ce qu'est avant tout Tony Soprano, ou plutôt le signe sous lequel lui-même ne cesse de s'inscrire, et douloureusement, c'est le signe de l'héritage, c'est un héritier. Et c'est quelqu'un qui vit les affres d'être un héritier, d'être celui qui doit continuer, tant bien que mal, une tradition... Alors même que, il en était aussi question hier, l'âge d'or est derrière lui. Donc je pense que, évidemment, on aurait pu imaginer que Tony accède à je ne sais quelle responsabilité suprême au sein de la mafia, ou au contraire, qu'il meure. Mais le faire mourir la série comme ça, de manière à la fois abrupte et irrésolue, je trouve, va très bien avec l'idée que le drame de Tony Soprano... c'est de devoir continuer, c'est d'être quelqu'un dont la place a été préparée pour lui et qui n'a d'autre de possibilité que de l'occuper encore et encore. Donc comme vous le disiez, on peut tout à fait imaginer que pendant que l'écran noir défile, le pauvre continue à traîner ses chaînes, quoi. Et je pense que c'est ce qu'a voulu dire David Chase, c'est-à-dire, et je pense que Chase a voulu aussi dire par là, parce que je crois que Chase est quelqu'un d'une personnalité assez torturée, dont on dit que en dépit de l'extraordinaire succès qui a été celui de la série, il n'a pas cessé de se considérer comme un raté. Et je pense qu'il a voulu marquer par là l'espèce de paradoxe qu'il y a à avoir construit peut-être la plus grande série, en tout cas de l'âge contemporain, tout en racontant l'histoire de quelqu'un qui, au fond, disons, est presque toujours malheureux de son sort. Alors, Il me semble que la fin, elle dit ça aussi. Vous l'avez rencontré, hein, David Chase, parce que il a une maison dans le sud de la France et vous êtes allé le voir, c'était il y a quelques années déjà, pour les Cahiers du cinéma. Vous lui avez d'ailleurs parlé de cet écran noir et vous lui avez aussi parlé de la fin de beaucoup d'épisodes qui sont ce que vous avez appelé des scènes vides, sans enjeu apparent, sans cliffhanger non plus, avec, par exemple, les personnages de Carmela et de Tony qui mangent en silence, ou les danseuses du Badabing, ce bar de prostituées qui remonte sur scène après une bagarre. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas commun dans l'écriture des séries télévisées. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il vous avait dit? Alors, dans mon souvenir, c'est là où je l'avais rencontré d'ailleurs en compagnie d'un ami critique, Eugenio Renzi, c'était dans son hôtel parisien, Donc, heureusement pour moi, j'ai oublié le nom parce que je pense que c'est mieux. D'accord. Et je me souviens d'ailleurs très bien quand, lorsque nous sommes arrivés à, dans le hall de l'hôtel, on a fait prévenir de notre arrivée et il a décroché, il a demandé à me parler. Et il m'a dit que il voulait bien nous recevoir à la condition que on ne décrive absolument pas la chambre et surtout pas à quel étage et à quel endroit elle était placée, parce que c'était la chambre où il avait l'habitude de descendre et qu'il voulait surtout pas être dérangé. Ce qui des pratiques de mafieux de faire ce genre de choses, non? Un petit peu, ouais, ce qui nous mettait un peu dans l'ambiance. Mais bon, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je crois qu'on est resté avec lui presque 3 heures, ce qui est considérable. Et en effet, je crois que ce qu'il nous avait répondu à propos de ces fins d'épisode, c'est que, bon alors, là encore, il y a deux choses. Je pense que ce sont des fins d'épisodes qui ont marqué beaucoup de ceux qui sont venus après Les Sopranos et qui se sont dit, tiens, il est possible de terminer un épisode comme ça, par rien plutôt que par un cliffhanger. Mais lui disait tout simplement que c'était quelque chose qu'il tenait du cinéma européen et que cette possibilité de faire durer des scènes sans enjeu dramatique était quelque chose tout simplement qu'il avait pris là et qui n'était pas de son fait. Are you in the mafia? Am I in the what? Whatever you want to call it, organized crime. That's total crap. Who told you that? Dad, I've lived in the house all my life. I've seen police come with warrants. I've seen you going out at 3 a.m. So you never seen Doc Cusimano go out at 3 a.m. on a call? Did the Cusimano kids ever find $50,000 in Krugerrands and a .45 automatic while they were hunting for Easter eggs? I'm in a waste management business. Everybody immediately assumes you're mobbed up. It's a stereotype, and it's offensive. And you're the last person I would want to perpetuate it. Fine. There is no mafia. There is no mafia. Il n'y a pas de mafia, répond Tony Soprano à sa fille, qui lui demande s'il fait partie de Cosa Nostra, juste avant de lui avouer tout de même que ses revenus ne proviennent pas tous d'un commerce parfaitement légal. Alors, ça, c'est un extrait d'un épisode très célèbre, Emmanuel Burdeau, intitulé College. C'est le 5e épisode de la première saison. Et on peut dire que c'est un tournant à plusieurs titres. Peut-être qu'on peut d'abord parler de ce que ça dit de la mafia et de la représentation de la mafia dans Les Sopranos, parce que c'est un épisode où les activités mafieuses de Tony Soprano sont liées à sa famille, parce que c'est un épisode où il va amener sa fille justement dans un camp de vacances ou dans une sortie. Il y a donc là une espèce de collusion entre l'intime, le familial et ses activités mafieuses. Et vous analysez ça très bien dans votre livre, Emmanuel Burdeau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur la collusion d'un peu de ces deux sphères qui constituent, je crois, un point important dans la série? Alors en effet, cet épisode, il est très important pour des raisons qu'on pourra peut-être dire un peu plus tard. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le 5e de la première saison. Donc, Tony Soprano emmène sa fille faire la visite des différentes universités auxquelles elle pourra postuler l'année suivante. Et Meadow, c'est une jeune fille très, très comme il faut, qui a des très bons résultats à l'école, à la différence de son petit frère, AJ, qui est très sympathique, mais enfin, dont on verra quand même plus loin que c'est, disons, plutôt un bon à rien. Et je pense qu'une des idées centrales de la série est qu'une série permet de mettre en valeur avec une insistance et aussi, je ne sais pas comment dire, une sorte de lassitude et de durée qu'évidemment on n'a pas dans un film, c'est que profondément Tony Soprano est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il est à la fois le père de famille lambda, enfin lambda, il gagne quand même bien sa vie, mais soucieux de l'avenir de ses enfants et qu'ils aillent dans des bonnes écoles. Et en même temps, il est un malfrat. Et de l'un à l'autre, les passages se font toujours de manière tout à fait, disons, imprévue, comme on-off. Donc on peut avoir des épisodes qui vont être plutôt centrés autour d'enjeux domestiques. Par exemple, je ne sais pas, en effet, obtenir une bonne place pour sa fille, entretenir des bonnes relations de voisinage ou faire réparer des appareils au sous-sol, parce que ça, c'est un truc qui occupe tout un épisode dans mon souvenir. Et puis on a au contraire des épisodes où Tony Soprano doit descendre à un rival et mener sa barque. Et en l'occurrence, dans cet épisode-ci, on a les deux, puisque au détour Je crois lorsque Tony fait une pause pour reprendre de l'essence, enfin peu importe, il tombe sur un ancien collègue qui l'a trahi, et comme vous le savez, la mafia rigole pas avec la trahison, donc il se voit dans l'obligation de le tuer. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, lorsque David Chase a, alors je ne sais plus si c'était au stade de l'écriture ou si l'épisode était déjà réalisé, lorsqu'il a soumis cet épisode à la direction de HBO, la direction lui a fait savoir qu'il était en train, en gros, de casser son jouet. Mm-hmm. Qu'il avait inventé, disait-il, sans doute le personnage le plus intéressant de la culture populaire contemporaine, même de la culture populaire de ces 50 dernières années. Et qu'en le faisant étrangler quelqu'un, à main nue, bien sûr, en marge d'une promenade avec sa fille, il allait perdre la sympathie du public, et qu'en gros, il est en train de se tirer une balle dans le pied, voire pire. Mmh. Et Chase a tenu bon, et la suite lui a donné raison. Non seulement le succès, évidemment, de la série, mais le succès de cet épisode en particulier, qui a reçu plusieurs prix. Donc c'est vrai que cet épisode, il est crucial à cet endroit-là, et il est crucial sans doute aussi quant à la capacité pour le spectateur de rester attaché à Tony, malgré le fait qu'il soit capable de choses tout à fait horribles et qu'il soit en plus capable d'alterner, presque sans moufter, les choses horribles et les tâches de la vie quotidienne qui en font un père, disons, imparfait mais aimant. Est-ce que vous avez l'impression que David Chase est plus intéressé au fond par l'aspect domestique, ce qui se passe au sein de cette famille, ou par tout ce qui relève des activités de la mafia ? Je pense que s'il fallait trancher, je dirais qu'il est en effet plus intéressé par les activités domestiques. Et je pense que d'une certaine façon, il n'a pas le choix parce que, comme vous le rappeliez en introduction, la beauté d'une série, c'est de se dérouler sur un temps tel que, surtout celle-ci qui fait quand même 86 fois 50 minutes, sur un temps tel que, d'une certaine façon, presque mécaniquement, la respiration d'une série finit par épouser celle de la vie quotidienne. Et que ce qu'a cherché Chase, et qu'à mon avis, il a trouvé, et que personne n'a aussi bien trouvé après lui, mais peut-être parce que c'est pas la même chose qu'il poursuivait, c'est une série, en effet, où nous sommes mis face à une sorte de dilemme qui est pas simplement un dilemme moral, mais je sais pas s'il faut l'appeler existentiel, mais qui est qu'au bout d'un moment, nous avons passé tellement de temps en compagnie de Tony Soprano que le considérer comme quelqu'un d'extraordinaire, au sens objectif du terme, c'est-à-dire un mafieux, un criminel, cesse de faire sens dans la mesure où il est devenu avant tout pour nous un compagnon de nos habitudes. Et la série, en effet, moi, enfin, je l'aime bien sûr par tous ses aspects, mais c'est vrai que quand j'y repense, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, l'image qui me revient en premier, c'est toujours celle de Tony dans son Marcel blanc, plus tout à fait blanc, et son peignoir un peu usé, soit allant chercher le journal, et c'est d'ailleurs en général l'image par laquelle commence chaque nouvelle saison, soit débarquant dans la cuisine pour le petit déjeuner, et glissant la tête par la porte entrebâillée du frigidaire, ou embêtant son fils. C'est cette description de la vie quotidienne qui l'emporte. Donc il s'agit peut-être aussi de dire qu'il n'y a rien d'autre que de la banalité dans la vie, et peut-être même dans la vie d'aujourd'hui, et peut-être même dans la vie américaine d'aujourd'hui. Vous avez eu cette expression, au fond, Les Sopranos, c'est pour vous un reportage au pays du banal. Oui, je pense que c'est drôle de voir remonter des choses comme ça, mais... Ah, c'est vieux. Oui, c'est un peu vieux, mais je pense que je devais faire référence à un épisode qui, je crois, est au début de la saison 3, où le FBI obtient enfin l'autorisation de placer des micros dans la maison Soprano, et en particulier au sous-sol, où l'on sait que Tony a l'habitude de descendre avec ses collègues lorsqu'ils veulent discuter de choses illicites. Et l'épisode est très drôle parce que il accompagne, comme ça un peu, disons, tambour battant, en fanfare, l'installation du FBI, les micros, avec tout un appareil et toute une dramaturgie d'espionnage qu'on connaît bien. Et puis, au bout du compte, qu'est-ce que le FBI va entendre ? c'est des discussions entre Tony et Carmela sur les différentes lessives, l'achat d'un nouveau fil dentaire et des problèmes de vie quotidienne extrêmement extrêmement triviaux. Oui. Et je pense qu'il y a aussi sans doute, il faut peut-être pas aller trop loin, mais je pense qu'il y a l'idée, oui, quand je dis reportage au pays du banal. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose de très étrange qui s'est joué, à mon sens, à la télévision, à la fin de ces années 90, au début de ce qu'on appelle le troisième âge d'or de la télé. C'est-à-dire qu'on a souvent associé la télévision à une forme de voyeurisme, la télévision qui va chez les gens, les émissions où les caméras viennent frapper à votre porte, et une forme de brutalité à l'égard de la vie de tous les jours. Mmh. Et là, on retrouve cet intérêt pour la vie de tous les jours, on retrouve cette banalité à laquelle la télévision est attachée, quoi. Et mais cette banalité, elle est enfin, je le dirais comme ça, c'est peut-être un peu approximatif, mais elle est enfin approchée pour elle-même. C'est-à-dire que la télévision n'est plus cette espèce de projecteur braqué sur le banal, de telle sorte qu'elle le défigure. Non, enfin, elle se le met à le respecter pour lui-même. Et en plus, c'est là où les choses évidemment sont un peu complexes et intéressantes. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, si elle le fait, c'est aussi en reprenant ce qu'elle considère comme certains des acquis du cinéma. Ça pourrait être de la télé-réalité, alors presque finalement Les Sopranos. Bah, dans une série comme celle-là, il y a forcément un aspect de télé-réalité. Il y a forcément un moment où en effet, on a quelque chose de leur vie et de la nôtre, bien qu'elles aient sans doute très peu en commun, se superposent, en effet, je pense. Your nigga Nate, you know these niggas straight bang, big gang, all the way to 21st Street, chitty chitty bang bang, Don Chitty, that's me. Vous écoutez La Compagnie des Auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons des Sopranos avec vous, Emmanuel Burdeau. Dans l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure, il y avait cette idée que finalement there is no mafia, il n'y a pas de mafia, la mafia n'existe pas, parce qu'au fond, même pour des mafieux, il est difficile d'accepter, d'admettre qu'on fait partie de ce groupe. Il y a quelque chose de l'ordre du refoulement presque psychanalytique là, Emmanuel Burdeau. Oui, et c'est évidemment ce qui va rendre, alors peut-être j'anticipe un peu, mais c'est ce qui va donner leur importance à deux thèmes dans la série. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont beaucoup à voir. L'un, c'est la psychanalyse à l'américaine, qu'on appellerait peut-être plutôt ici psychiatrie, qui est une impossibilité pour un mafieux, puisqu'un mafieux n'est pas censé parler de ce qu'il fait. Ce qu'il fait doit rester tu. Donc, quiconque se couche sur le divan est un traître. Bon. Mm-hmm. Et puis le cinéma. Hein, le cinéma, c'est de même que Tony Soprano va quand même trouver un peu de réconfort sur le divan. De même, son neveu, qui est peut-être au bout du compte le personnage pour lequel j'ai le plus d'affection, enfin son neveu par alliance, peu importe, Christopher Moltisanti, lui ambitionne de faire du cinéma parce que Christopher souffre au sein de la mafia. Il pense qu'il a l'étoffe d'un parrain et il n'en peut plus d'être commis simplement aux basses œuvres. Et il souhaite obtenir de la reconnaissance. Alors cette reconnaissance, elle est très complexe dans la mafia pour les raisons qu'on a dites, la loi du silence, et puis aussi simplement parce que c'est un système qui repose sur une hiérarchie stricte. Alors Christopher a une idée qui croit génial, mais qui est au fond la plus calamiteuse des idées qu'il peut avoir, c'est de faire du cinéma. Parce qu'il se dit, si je fais du cinéma, j'obtiendrai de la famille cette reconnaissance que je ne peux pas avoir. Or, le problème, c'est que l'idée qu'il a, lui, pour faire du cinéma, c'est évidemment de faire fructifier son expérience de mafieux auprès d'Hollywood, et donc de vendre son histoire. Mais s'il vend son histoire, ce qu'il risque d'obtenir auprès de sa famille, c'est tout sauf de la reconnaissance, c'est le plus grand mépris, voire la mort. Donc il est là pris dans une sorte d'impossibilité qui va l'écraser de plus en plus jusqu'à sa fin, qui est comment faire pour être reconnu sans vendre la mèche, quoi. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi cette espèce d'étrange comédie de l'innocence de Tony Soprano, notamment, qui finalement considère que, eh bien, après tout, il est peut-être autant une victime qu'un bourreau. Et il y a du cynisme, mais il y a aussi une espèce d'aveuglement. Finalement, s'il a besoin d'aller chez le psy, c'est parce que la société est dure avec lui, d'une certaine manière, trop dure avec lui. Oui, là encore, il y a absolument. Et là encore, il y a peut-être deux aspects. Il y a le fait que, en tant que membre d'une minorité, la minorité italo-américaine, il estime justement qu'il est en situation de minorité et donc il ne fait que défendre ses droits face à l'Amérique blanche. Qui le méprise, et il y a beaucoup de scènes dans la série qui montrent qu'en effet, cette Amérique blanche trouve que Tony Soprano et les siens ne sont que des beaufs, des scènes de repas, des scènes sur les terrains de golf, etc. etc. Il en souffre de ça, il souffre d'être vu comme un nouveau riche, un beauf et un descendant d'immigrés. Oui, manifestement, il en souffre, quelle que soit la réussite à laquelle il accédera, je pense que c'est une douleur qui reviendra toujours, y compris lorsqu'il essayera d'avoir des relations avec des femmes, disons, mieux nées que lui. Et puis d'un autre côté, et ça c'est un aspect aussi sur lequel la série insiste beaucoup, mais avec intelligence il me semble, Tony Soprano estime que profondément, il n'est qu'un homme d'affaires comme les autres, et que... au fond, certes, tous les businessmen américains ne tuent pas, mais que bon an mal an, ça revient quand même un petit peu au même. Et c'est vrai que la série, dans la mesure où elle dilue, dans la mesure où la mafia est précisément ce qui n'existe pas, donc ce qu'on ne peut pas circonscrire, et dans la mesure où cette mafia est diluée au sein de la vie suburbienne américaine au sens large. C'est vrai qu'il est le David Chase nous autorise tout à fait à voir sa série comme la description du système économique américain, je dirais dans ses règles et non dans ses exceptions. Est-ce que du coup il y a une espèce de peut-être pas de justification, mais une façon un peu de relativiser tout de même le parcours, le destin de Tony Soprano, sachant que, encore une fois, descendants d'immigrés qui ont dû faire leur place difficilement, vraisemblablement, arrivant pauvres du sud de l'Italie, ils ont été confrontés à un système capitaliste extrêmement prédateur. Est-ce qu'il y a cette idée-là de la relativisation, finalement, des méfaits de Tony Soprano, ou est-ce que c'est aller beaucoup trop loin que de le dire, Emmanuel? Vous voulez dire de la part de David Chase lui-même, de la part de David Chase, tout à fait. Je sais pas tellement, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de... Enfin, moi, ça m'embarrasserait de le dire, parce que ce serait supposer qu'il a une sorte de complaisance. Alors peut-être de complaisance à cet égard, peut-être l'espèce de pirouette, enfin, qui ne serait, j'espère, pas simplement une pirouette, c'est que je pense que là où la série me semble très forte, c'est qu'elle nous montre que les difficultés auxquelles Tony est confronté ne sont pas simplement, disons, des difficultés d'ordre économique, politique ou moral, mais ce sont aussi des difficultés qui concernent directement la représentation. C'est-à-dire que le problème de Tony Soprano, c'est que de même qu'il vient un peu tard après son père, qui pour lui incarne un certain âge d'or de la mafia, de même, il a conscience, et la série ne cesse de nous le rappeler, qu'à côté des grands modèles de la saga italo-américaine mafieuse, du grand modèle qu'est la famille Corleone, raconté par Mario Puzo et ensuite filmé par Coppola, il pèse pas lourd. Donc, on pourrait dire qu'il y a une forme de relativisation, dans la mesure où, au fond, Tony souffre de savoir que, comparé à eux, il est un peu, c'est un peu de la petite bière, à la fois en termes de criminel, quoi, et puis aussi en termes, disons, en termes esthétiques, en termes de représentation. Alors Emmanuel Burdeau, on va marquer une pause comme chaque jour dans cette émission consacrée donc aux Sopranos avant de vous retrouver en seconde partie. Mais tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues aujourd'hui, avec vous, Éric Libiot, rédacteur en chef des pages culture du magazine L'Express. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Alors vous allez nous parler aussi des séries. Eh bien écoutez, je vais vous parler surtout d'un grand thème, d'un grand débat, littérature et cinéma, mariage ou divorce. Débat qui se décline maintenant en littérature, séries et cinéma, mariage ou divorce. Ah, oui. Votre émission en est le témoin, mais il faut parfois remettre les pendules à l'heure afin d'être ni en retard ni en avance, mais à peu près au bon endroit, au bon moment. Et s'il faut aujourd'hui célébrer l'âge d'or des séries télé, vous le faites formidablement bien toute cette semaine, comme un signe des temps et d'une époque à la recherche de romanesque pour nourrir un imaginaire abîmé par un surinvestissement dans une technologie galopante, il faut redessiner la chronologie des choses afin de savoir qui de la poule ou de l'œuf a fait la télé aujourd'hui. Alors oui, les Sopranos, on en parle très bien aujourd'hui. Alors oui, Six Feet Under, 24 heures chrono, Lost. Mais aussi et surtout New York Police Blues, série créée par Steven Bochco et David Misch, diffusée en France sur Jimmy en 1994. Jimmy n'existe plus, vous n'étiez même pas né, Mathieu. Si, j'ai un vague souvenir de Canal Jimmy quand même. C'est l'histoire d'un commissariat de police à New York, petites et grandes histoires, enquêtes et drames personnels, 261 épisodes sur 16 saisons, pas loin de 80 récompenses. Bon, ça veut dire qu'on a oublié de parler de cette série. Pourquoi faudrait-il y revenir, Éric Libiot? Parce que finalement, NYPD Blues marque véritablement l'entrée des séries dans la cour des grands, dans l'âge d'or de la télé, ou disons un prologue en tout cas. L'idée géniale de Bochco et Milch, c'est une enquête par épisode et des histoires personnelles qui parcourent toute la saison. Bochco avait déjà utilisé ce principe dans Capitaine Furio, mais avec beaucoup moins de succès. Ce type de récit est aujourd'hui présent dans quasi toutes les séries télé. Idée géniale donc de Bochco et de Milch, oui, mais que l'on doit à l'écrivain Ed McBain, créateur de la série du 87e district, dont le premier roman est paru en 1956, là vous étiez peut-être pas né non plus, non. À la série noire sous le titre du ballet, je vous en prie. En tout, 53 romans de 1956 à 2005 dans lesquels on suit la vie des flics du 87e district, donc Steve Carella en tête, mais aussi Meilleur, Cotton Hose. Ed McBain d'ailleurs n'était pas était un petit peu agacé parce qu'on l'a pas reconnu suffisamment pour cette brillante idée, et il faut aujourd'hui réhabiliter Ed McBain, immense écrivain, dialoguiste hors pair, très très bien traduit en France d'ailleurs par Jacques Martinache, qui a non seulement inventé un genre mais s'est fait le portrait d'une ville, New York donc, sur 50 ans. Le polar, comme souvent, a mieux raconté le pays que n'importe quelle autre littérature. Alors vous le savez, Ed McBain, son vrai nom c'était Salvatore Lambino. Mm-hmm. Il avait d'autres pseudos comme Evan Hunter, sous lequel il a adapté quand même pour le cinéma un roman de Daphné du Maurier, Les oiseaux, mis en scène par Hitchcock, avec qui il a aussi collaboré, avec la série Alfred Hitchcock présente, le cinéma, le roman, la télé, la littérature, on n'en sort pas. D'ailleurs, en parlant de personnages récurrents de polar, de cinéma et d'Hitchcock, il faut signaler la réédition de la saga des Tom Ripley de Patricia Highsmith chez Kalman Levy. Ripley, escroc, aventurier, meurtrier, séduisant, véritable Janus des temps modernes. Et oui, il faut le rappeler parce que Patricia Highsmith est un écrivain un petit peu oublié. Ben oui, c'est un peu étrange. Alors, elle est évidemment vénérée par les auteurs, mais par le public, pas tant que ça. Highsmith, dont Delphine Perras fait le portrait dans l'Express cette semaine, est effectivement une autre écrivaine oubliée, vous venez de le rappeler, sans doute parce que son univers est un peu flippant, qui confronte le lecteur à la paranoïa et à la culpabilité, et elle voit en chacun de nous un meurtrier potentiel. C'est vous dire, Mathieu, si on est là dans les ombres des êtres humains. Aujourd'hui, Marilyn Clark ou Harlan Coben ont la cote, alors que franchement, leurs bouquins ne font mal à personne et font beaucoup plus de mal à la littérature. Alors, Patricia Highsmith était elle-même assez parano. Elle balayait d'un revers de main les adaptations cinéma de son œuvre. Alors, une piètre cinéphile, même s'il était un grand écrivain, parce que quand même, quand vous regardez la liste des romans adaptés les films adaptés de ses romans, c'est quasiment les meilleurs de leurs auteurs. L'inconnu du Nord Express, d'Hitchcock, adapté par Raymond Chandler, autre grand écrivain. Plein soleil de René Clément, avec Delon dans le rôle de Ripley, et Marie Laforêt et Maurice René. Dites-lui que je l'aime, de Claude Miller, son deuxième film, sans doute son plus beau, Eau profonde, de Michel Deville. Et plus récemment, il y a 2 ans, Carole, de Todd Haynes, avec Cate Blanchett. C'est quand même pas rien. Alors finalement, à la question cinéma, télé, littérature, mariage ou divorce, eh bien je réponds quand même mariage. Mais s'il faut saluer les enfants, il ne faut pas oublier les parents. Ben non, faut pas oublier les parents. Merci pour cette remontée dans l'arbre généalogique, Éric Libiot. Je renvoie nos auditeurs à vos articles dans les pages culture de L'Express, puis aux articles de vos collègues aussi. Hein. Mais bien sûr. Vous êtes le rédacteur en chef des pages culture. Allez, à bientôt. L'intelligence. Une fois n'est pas coutume, nous ne parlons pas cette semaine d'un écrivain, mais de séries télévisées dans la compagnie des auteurs. Aujourd'hui, des Sopranos et de son scénariste et showrunner David Chase. Nous le faisons avec Emmanuel Burdeau, qui lui a notamment consacré un essai intitulé « La passion de Tony Soprano » aux éditions Capricci. Well, Mike, it's interesting you didn't mention that, because when you asked me before about the story, the son, the mother, the psychiatrist, that's the story. Once, le cœur de l'histoire devait être le fils, la mère, le psychiatre. Une fois que j'ai eu cette base, je me suis dit, ok, on va faire une histoire de mafia sur une grande chaîne de télé câblée. L'ironie centrale de cette histoire devait être que l'Amérique est devenue si sauvage, si égoïste, extrêmement égoïste, que même un mafieux ne peut plus le supporter. Ce qu'il voit chaque jour le contrarie tellement qu'il doit aller chez le psy. Pourtant, il fait partie des gens qui ont inventé l'égoïsme. Ils ont inventé le moi d'abord. Mais maintenant, ils ne peuvent plus le supporter, parce que le reste du pays a surpassé ça. C'est la blague qu'on voulait faire originellement. Quand vous dites « joke », vous parlez en termes business. Je crois que c'était juste l'ironie absurde qu'on voulait donner à la série. Extrait d'un entretien avec David Chase dans une traduction de Lauren Travaglie-Chanal. Qu'est-ce que vous en retenez, Emmanuel Burdeau ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bah, je suis content de réentendre la voix de David Chase, qui est vraiment un personnage très, très étonnant. Et vous disiez, votre invité hier disait pardon, qu'il n'avait pas souhaité de vouloir faire du cinéma. En fait, c'est quelqu'un qui est venu très tard, qui a obtenu le succès très tardivement, et qui, depuis la fin des Sopranos, est à la recherche. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est important pour lui d'un second ou plutôt d'un troisième souffle. Alors il a réalisé un film qui s'appelle Fade Away, je crois, donc il a enfin réalisé son rêve, mais ce film n'est pas sorti en France, je crois que ça a été un échec total. Et puis là il est en train, mais je crois que les informations sont pas encore très très claires, il est en train d'écrire ce qui serait une sorte de préquel à l'aventure de Tony Soprano. Bon, voilà. Donc il reste quand même dans cet univers là peut-être avec quelques difficultés à en sortir. Oui, il reste de toute façon dans cet univers-là, pardon. Et évidemment, je comprends très bien ce qu'il dit avec beaucoup de simplicité sur la plaisanterie ou l'ironie centrale de la série. Je crois que c'est ce dont on parlait déjà un petit peu tout à l'heure, à savoir que elle est faite de telle manière que le spectateur, au bout d'un certain moment, doit ne pas savoir, au bout d'un certain moment, et peut-être même dès le début, doit ne pas savoir s'il a affaire à une victime ou un bourreau, à quelqu'un qui est un laissé-pour-compte du rêve américain, ou au contraire, l'un de ceux, comme il le rappelle, qui l'ont dévoyé. Et la mauvaise foi, à la fois la mauvaise foi qui est très forte et qui donne souvent lieu à des scènes très drôles de Tony Soprano, et sa mauvaise conscience aussi, viennent de là. C'est quelqu'un... Et c'est aussi pour ça que j'avais appelé ce livre « La passion de Tony Soprano ». C'est quelqu'un d'extrêmement colérique, violent, qui dégage une force physique très présente et qui, en même temps, ne cesse de se vivre comme un agressé, comme quelqu'un qui, avant toute chose, qui aimerait tellement pouvoir être tranquillement dans son jardin à regarder les canards ou à se prélasser dans sa piscine, et qui le ferait volontiers si... les uns et les autres. Il n'y avait pas tous ces gens à tuer, quoi, d'une certaine façon. Exactement, s'il n'y avait pas tous ces gens à tuer, et sa famille et sa famille. Oui, il faut s'en occuper. Sa famille dans les deux sens du mot. Et alors, il y a cette idée, du coup, dans ce que vous dites, d'une très grande solitude, et tous les personnages sont dans cette très grande solitude, le personnage de Carmela aussi. Elle se demande d'ailleurs, je crois assez souvent, en tous les cas plusieurs fois, « What's wrong with me ?» qu'on pourrait traduire par « Mais qu'est-ce que j'ai à la fin ? Qu'est-ce qui se passe chez moi ?» Ça paraît une réplique qui dit assez bien le projet atmosphérique, disons, de la série, Emmanuel Burdeau. Là, vous parlez de Carmela. Carmela, oui, dit ça souvent. What's wrong with? Oui, oui, c'est un personnage qui est très beau et puis qui a subi beaucoup de, qui je pense a beaucoup évolué au fur et à mesure de la série. Je crois que c'est dans le livre que je rappelle que à la fin de la première ou la deuxième saison, elle avait été élue la femme la plus mal habillée de la télévision américaine. Donc ensuite, les créateurs, les scénaristes se sont arrangés pour que son look soit un peu moins affreux. Et en effet, elle ne comprend pas, Carmela, pourquoi elle comprend pas pourquoi elle est pas heureuse, voilà, simplement. Elle ne travaille pas. Elle a quand même un mari qui ramène beaucoup d'argent à la maison. Et comme vous le disiez hier, alors comme le disait votre invité, elle bovarise un peu. Elle-même aussi, il lui arrive quand même aussi de se sentir un peu plouque. Alors elle essaye un petit peu de se cultiver, mais oui, il y a quelque chose qui, c'est-à-dire que là où la série est intelligente, c'est que elle nous montre bien que, comment dire, que la mauvaise conscience, et parfois plus que la mauvaise conscience de Carmela, n'est pas moindre que celle de son mari. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui très tôt a su quel homme elle épousait, qui n'a jamais été naïve à cet endroit-là, mais que de loin en loin, ça rattrape quand même assez violemment. Est-ce que vous diriez, Emmanuel Burdeau, sur un autre sujet, qu'il y a de la politique qui travaille cette série-là, Les Sopranos ? Est-ce que c'est une comédie politique ? Oui. Alors, pour répondre simplement, oui. Mais alors, le dire dans quelle mesure exactement, c'est assez... Bon, peut-être on a déjà commencé à le dire un petit peu. C'est-à-dire, c'est quand même une série qui s'intéresse... Je ne sais pas si c'est le mot qu'a utilisé tout à l'heure David Chase, je ne pense pas, mais c'est quand même une série qui s'intéresse avant tout à l'état, disons, à un certain état pas de déréliction, je ne trouve pas mon mot, pardon, de l'Amérique libérale. Bon, voilà. C'est une série qui s'intéresse à une minorité en particulier, qui est évidemment la minorité italo-américaine, mais qui ne cesse pas, d'ailleurs, non sans maladresse, mais je dirais au moins en assumant ces maladresses, ne cesse pas de mettre en rapport cette communauté avec d'autres, cette minorité, pardon, avec d'autres minorités, mm-hmm. à commencer par la minorité noire. Il y a beaucoup de racisme, hein, quand même, de la part de Tony Soprano vis-à-vis d'à peu près tout le monde. Hein. Il est raciste, il est homophobe, il est vraisemblablement antisémite. Ah oui, oui, il est évidemment tout à fait raciste. Antisémite également, et il l'est, je dirais, avec d'autant plus de facilité que, comme il le résume très bien, je crois que c'est dans la première saison, Meadow, sa fille émet le souhait de sortir, et de sortir le soir avec des amis, et ne comprend pas que son père le lui interdise. Et son père lui montre, lui pointe le doigt vers la fenêtre, pardon, en lui disant « Tu vois, à l'extérieur, en effet, ce sont les années 90, mais à l'intérieur, c'est les années 50. » Donc, il assume, en l'occurrence avec une certaine facilité, de vivre selon des valeurs qui, dans un monde qui se voudrait, disons, un peu progressiste, n'ont plus cours. Oui. Et la série, là où les choses aussi continuent d'être intéressantes, c'est que la série elle-même a essuyé des reproches de racisme, et non pas tellement à l'égard des autres minorités, mais à l'égard de la minorité italo-américaine. Il y a un épisode qui est fameux dans l'histoire américaine récente, qui est le moment où les acteurs, certains des acteurs des Sopranos, donc qui sont pour la plupart des acteurs eux-mêmes d'origine italienne, ont souhaité participer à la parade, je crois, pour le Columbus Day, la parade liée à Christophe Colomb. Et les organisateurs de la parade ont fait savoir qu'ils ne voulaient absolument pas que les leurs soient accompagnés par ces gens qui, à leur sens, participent, entretiennent une image négative le mythe de l'Italien, l'italo-américain mafieux. Mais c'est vrai que Tony Soprano, évidemment, est plongé dans l'histoire de la communauté italo-américaine. D'ailleurs, il regarde tout le temps la chaîne Histoire. Bon, évidemment, c'est pas que sur l'Italie, mais il regarde beaucoup tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Vous dites qu'il est gros de cette histoire. qu'il porte l'histoire. Et il y a un exemple de ça, c'est la blague du chirurgien. Est-ce que vous l'avez en tête au début de la sixième saison? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors bon, je pourrais pas développer parce que je crois qu'elle fait vraiment référence à un aspect de la culture américaine qui est très spécifique. Mais au début de la sixième saison. On peut tout raconter maintenant. Tony se prend une balle dans le ventre tirée par son oncle qui est en pleine démence. Et d'ailleurs, qui lui aussi sera, dont la démence aura à voir avec l'histoire récente puisque l'oncle de Tony finira par s'accuser du meurtre de Kennedy. Mm-hmm. Et Tony, Tony Soprano et son acteur James Gandolfini qui ont, l'un comme l'autre évidemment, ensemble, à peu près doublé de volume depuis la première saison. Ce qui paraît-il le déprimer beaucoup, en tout cas, l'acteur. Pardon ? Ce qui paraît-il le déprimait beaucoup, justement, de ressembler finalement de plus en plus à son personnage. Oui. Il y a plusieurs, effectivement, plusieurs témoignages rapportent que c'était qu'il souffrait beaucoup de ça. Et il est donc dans le coma. Il y a tout un épisode où il se rêve une vie parallèle dans le coma que je trouve très, très beau. Et lorsqu'il passe sur le billard et qu'on lui ouvre le ventre, le chirurgien, pour faire rire ses assistants, et on imagine ses assistantes, dit tout à coup « Ah, je crois que j'ai trouvé Jimmy Hoffa ». Alors Jimmy Hoffa, c'était celui qui dirigeait, je crois, le syndicat des routiers aux États-Unis, et c'est un personnage dont la mort, selon toute apparence liée à la mafia, n'a jamais été élucidé et dont le cadavre n'a jamais été retrouvé. Il y a des films sur lui, des livres sur lui. Enfin, c'est un épisode très important de l'histoire américaine. Et c'est vrai que, pour moi, je pense que c'est là aussi où la série, en ce qui me concerne, et je sais que je ne suis évidemment pas le seul, a eu valeur de révélation. C'est-à-dire que on a eu le sentiment, avec les Sopranos, qui est quand même une série, il faut le dire, qui entretient un rapport avec le cinéma via la mafia et via le tropisme italo-américain, qui entretient un rapport avec le cinéma extrêmement étroit, on a eu le sentiment que pour la première fois, la télévision, c'est pour ça que je dis qu'il est gros de l'histoire, la télévision décidait de prendre sur ses épaules une certaine forme d'héritage à la fois historique et esthétique. Oui. C'est-à-dire, je sais que là-dessus, tout le monde n'est pas de cet avis, c'est-à-dire, d'une certaine façon, pour moi, de prendre la relève du cinéma. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a l'histoire des formes, l'histoire des fictions à travers des images en mouvement. Il revient maintenant à la télévision de les continuer, et surtout pas en faisant table rase, mais en s'inscrivant de plein pied dans cette histoire. Et pourquoi est-ce que ce serait davantage du coup le rôle de la télévision que du cinéma? Alors, je ne sais pas du tout si... je dirais pas les choses de cette façon-là. Je pense pas du tout que ce soit plutôt le rôle du cinéma que de la télévision, mais en fait, je dirais que c'est plutôt un constat. C'est-à-dire que... Parfois, on le dit de manière un petit peu grossière en disant qu'aujourd'hui, si on regarde l'état de la fiction hollywoodienne, le drame est un genre qui n'existe, alors évidemment on trouverait des contre-exemples, mais est un genre qui existe pour ainsi dire plus au cinéma et qui existe de manière massive à la télévision. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons les choses se sont développées et se sont modifiées ainsi, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que les grandes séries de la fin des années 80 et du début des années 2000, en tout cas moi, sont des séries que j'admire notamment parce qu'elles se donnent comme des œuvres pleinement historiques. Alors, c'est le cas des Sopranos, je crois l'avoir dit un petit peu, et c'est le cas de The Wire, par exemple, qui propose rien moins que de faire l'histoire, ou en tout cas de raconter la fin de l'histoire d'une ville, et peut-être à travers cette ville, d'autres villes, ou de la ville américaine, à travers le cas de Baltimore. Il y a quand même, je trouve, de la part de ces séries-là, et je pense qu'on pourrait dire également la même chose de Six Feet Under, puisqu'après tout, Six Feet Under, c'est quand même l'entretien de la mémoire des morts. Il y a, une certaine manière de se penser comme récit dans l'histoire. Voilà. Et je crois qu'on trouverait... dans le cinéma des mêmes années, on trouverait sans doute des cas également, mais à mon avis, des cas moins, je dirais, à l'évidence, moins monumentaux. On ne sait pas si Tony Soprano a écouté Deep Purple, mais finalement, ça doit bien lui correspondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel Burdeau. Il y a quand même un événement historique, puisqu'on parle de l'histoire et de la manière dont les séries, justement, arrivent à agréger cette histoire dans leur narration. Il y a quelque chose qui s'est passé au moment du tournage de la série, c'est que le 11 septembre est arrivé. Il y a donc un avant et un après 11 septembre dans la série elle-même. Est-ce que c'est important ça, Emmanuel Burdeau, puisque ça a tellement bouleversé l'Amérique que forcément ça a bouleversé aussi Tony Soprano ? Oui, je pense que c'est important. D'ailleurs, le générique de la série est extrêmement connu. C'est la traversée en voiture du Lincoln Tunnel qui lie New York au New Jersey. Et on suit Tony en route vers chez lui. Je ne sais plus exactement où il habite, peu importe. Et je ne sais plus si dans le générique qui le suit en voiture, on aperçoit les tours du World Trade Center. Il me semble bien que oui, mais je me trompe peut-être. Et qu'effectivement, à partir de la troisième ou de la quatrième saison, évidemment, on ne les aperçoit plus. Alors, je pense que ça a été un peu compliqué pour la série. Je pense que David Chase et ses scénaristes qui l'a su faire valser, à un moment, se sont sentis peut-être un petit peu embarrassés de s'attarder si longuement sur les problèmes de l'Amérique blanche aisée, alors que tout à coup, quelque chose venait de tomber de plus grande amplitude. Voilà. Mmh. Alors, très honnêtement, je ne me souviens plus dans le détail, mais c'est vrai que alors, de façon un peu anecdotique, un des agents du FBI qui était aux trousses des Sopranos se trouve réaffecté à la lutte antiterroriste. Les uns et les autres se mettent à tenir des propos géopolitiques, évidemment un tout petit peu grossiers. Donc la série a fait quelques ajustements. Et puis Tony Soprano, qui se sentait comme un outsider, comme une victime, finalement a peut-être fait corps l'espace d'un moment, de quelques épisodes, avec la nation américaine. Tout d'un coup, il n'était plus l'outsider, il faisait vraiment partie de la société américaine agressée. Oui, absolument. Je pense que oui, on pourrait difficilement le dire mieux. Et puis, je crois aussi que ça lui a permis à la série d'exprimer différemment cette alternative dont on a déjà parlé, à savoir que tantôt il se vit comme un exclu, et tantôt au contraire, il considère que le vrai représentant de l'Amérique telle qu'elle l'est, telle qu'elle doit être, c'est lui. Et le 11 septembre lui a permis, en effet, de ressentir ça avec une intensité particulière. Alors vous qui êtes critique de cinéma et qui contribuez à la revue Trafic, j'ai envie de vous poser une dernière question en lien avec ça. Est-ce que pour vous, David Chase, le créateur des Sopranos, est un cinéphile ou un téléphile, pour reprendre l'expression chère à Serge Danet ? Alors, bon, c'est évidemment la question qu'il faut me poser. Faut pas poser tout de suite, juste à la fin de l'émission, c'est ça ? Non, parce que je travaille, mais ça me fait plaisir, parce que je travaille un livre sur Serge Danet, donc évidemment, c'est des questions que je me pose. En deux secondes. En tout cas, ce qui me semble évident, massif, c'est que disons, s'il y a deux questions dans Les Sopranos, il y a au moins une des deux qui est le cinéma. Voilà. Le rapport aux parrains, le rapport aux affranchis, je dirais le rapport aux parrains comme forme majuscule, comme disons opéra, et le rapport aux affranchis contraire comme forme disons mineure, pas comme jugement de valeur, mais parce que ça met en scène les mafieux dans leur vie quotidienne, alors que le parrain c'est la grande geste mafieuse. Ça, il me semble que c'est quelque chose de capital. Et donc l'idée que on hérite deux fois du cinéma, on hérite du cinéma comme grande forme, ça c'est les parrains, et comme forme déjà un peu dévaluée mais non moins stimulante, c'est les affranchis. Bon, de ce point de vue là, je pense qu'effectivement s'il y a un sens à cette drôle d'expression avec laquelle moi j'ai toujours un petit peu de mal, qui est celle de ciné-fils, il me semble que Les Sopranos offrent un cas de réflexion particulièrement puissant. Et il suffit de penser... On attend avec plaisir, on attend avec impatience votre livre là-dessus, mais tout de suite, on retrouve la poésie, et c'est avec Jacques Bonnafé. Merci beaucoup, Emmanuel Burdeau. Bonjour, bonjour la compagnie. Nous étions restés sur une énigme hier. Elle nous était proposée par Bruno Doucet, 3 fragments de poème dans l'emporte-voix. Toute lecture à haute voix suppose la présence d'un homme invisible. Pouvait-on lire au début du poème un homme qui signe sa présence à l'encre sympathique et que l'on entend lorsque l'on n'entend rien. Mais enfin, cet homme qui est-il ? Tempêtait le public. Le poète s'est interrompu. Il a regardé la chaise vide qui se trouvait à ses côtés. Il a poussé un long soupir. Il a souri. À suivre. Ah non. La troisième énigme. À l'heure du troisième fragment, c'est un enfant qui a trouvé la solution de l'énigme. Quand il a commencé à lire à haute voix devant les autres, son cœur s'est mis à galoper comme un cheval dans sa poitrine. Ses mains traversaient des rivières glacées, la terre de son corps tremblait. Il s'est arrêté, paniqué. C'est alors qu'il a senti une main se poser sur son épaule. Il a fermé les yeux et il a perçu la présence de l'homme invisible à ses côtés. L'homme qui compte la fureur du monde par sa douceur. Le musicien du silence. Et si on refaisait un peu de bruit avec Katia Boutchoueva, que nous écoutions hier, que nous réécouterons demain. Là, cet extrait de « Équiper les anges et dormir, dormir, dormir ».« Comment tu pries, connard ?» disait la feuille d'érable. Colère d'une feuille, c'est dans « Plante sacrée ». « Ton sable tombe de travers ». La triste guerre dont personne n'est responsable. Ô pitoyable mime, genoux par terre, t'allonge et sauve les apparences quand le désert entier se vide de sa substance. Je plonge. Sur la couche de paraffine délicate et fine, les pas de danse restent statiques. L'enfant se terminera enfin, mieux vaut tard que jamais. J'aimais votre dînette eucharistique. Ô l'imbécile attendrissant, fervent paumé, bêtise pareille. Caresse-toi toi-même maintenant, moi qui voulais te caresser derrière l'oreille. Soldate de l'armée verte, j'aurais pu t'aider, toucher ta peau, te lire la toute dernière, la bonne nouvelle, et devenir ton évangile fruité, ta sourate au sirop, fidèle de sous l'érable, perds toute sa Sahara, oublie la langue, appelle le tigre, arbitre libre, par la bonne connerie duquel, en tant qu'arbre, je serai coupé, brûlé, en tant que livre. Le livre « Équiper les anges » est suivi d'un entretien. Alors, Katia, expliquez-nous. Je lis d'une façon parallèle la poésie en français et en russe et je suis peut-être en train de me décrocher un peu de ce qui se passe en poésie russe. Pushkin, Essénin, mes parents me lisaient des vers de Pushkin quand j'avais 2 ou 3 ans. Ma frustration était de ne pas pouvoir lire. Donc je l'apprenais par cœur, c'était la seule façon de l'avoir avec moi. C'est toujours la question d'avoir à soi. Ce n'est pas un vers libre et en même temps, ce n'est pas un vers prévisible. Je n'ai pas envie d'être dans un vers libre, mais je n'ai pas envie d'être dans quelque chose de figé. Équiper les anges et dormir, dormir, dormir. Les infidèles montrent la patte blanche. Déjà, les infidèles méchants. Plus infidèle et plus méchant tu meurs. Regarde mon cœur, ta belle montagne en marche, ton olivier en larmes noires, ton framboisier en larmes rouges. Sortent leurs racines de la terre et bougent. Jacques Bonnafé, merci à vous.